déjà longtemps qu'on passe le bon reggae dans toutes les soirées. Hey, je vois les gens bouger, les sisters qui pèlent sont les manées respectées. Hey, je vois la vibe te transporter, je vois l'amour te transporter. Une chose est sûre, ce soir le sun game dans la place vient pour vous animer. Life and creation, play, play, play, play for you tonight. Life and creation, play, play, play, play pour tous les massifs tonight. Life and creation, play, play, play, play pour tous les bridging et six stream. Life and creation, play, play, play, play, honey love, I say I love you, I love you, I love you. Les gens sont hyrés. I love you reggae music. Tu nous donnes du respect. Et ça même tu le sais, car ton message est vrai. Je vois tous les ganjamans dans le coin allumer la scène, c'est allumer la scène, c'est. Je vois tous les rastaman crier King Haile Selassie, Haile Selassie. Je vois tous les lamphas danser, les sisters toujours accompagnés. C'est du love qu'il nous faut pour toutes les générations. Je te le dis en reggae sur la chanson. I love you, you, you, you. I love you, I need you. Hey, I love you, you, you, you. I love you, I need you. Hey, life and creation play tonight. Life and creation play tonight. Life and creation play tonight. Life and creation, play, play, play, play pour tous les massifs tonight. Life and creation, play, play, play, play for you tonight. Hey. Life and creation, hey.